Le syndrome du banquet affecte surtout les personnes âgées. Ils ont du mal à entendre tous les mots d'une conversation. Je suis sûr que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation. Vous posez une question à votre grand-mère ou à votre grand-tante et elle répond « à côté ». Eh bien, ça s'explique. Elle a essayé de donner du sens à des sons qu'elle avait mal entendus. Parfois, ça marche et parfois non. Mais vous, vous faites pareil. Écoutez cet extrait jusqu'au bout, les yeux fermés, et notez sur un bout de papier ce que vous entendez. Alors, vous avez entendu un mot? Plusieurs, peut-être? Étrange, car ce son n'a pourtant aucune signification. C'est votre cerveau qui vous a joué un tour. Quand il n'arrive pas à associer un sens au son qu'il entend, il essaie d'abord de jouer avec les syllabes comme avec les pièces d'un puzzle. Il les inverse, il les change de place, pour essayer de trouver un mot qu'il connaît et qui correspond à ce qu'il a entendu. Par exemple, quand on vous fait écouter, vous pouvez entendre, brouiller, envoyer ou même pas envie. C'est ce que moi j'ai compris en tout cas. En général, c'est le contexte qui aide à trouver la bonne signification. Mais dans le cas de cette illusion, comme il n'y a rien pour vous aider à faire un choix, le cerveau associe au son les mots les plus fréquents ou les plus faciles à prononcer. On les appelle les mots fantômes. Ce phénomène est très utile dans la vie de tous les jours. Comme lorsque vous discutez avec quelqu'un qui parle la bouche pleine. Il articule moins bien, mais vous arrivez à le comprendre quand même.